parle pas d'âge. DJ Babs. Allo, allo, mauvais garçon sort du tello. Allo, allo, allo, les jambes croisées, je compte les euros. Billets multicolores, j'ai assez pour refaire la neuzo. Les lunettes noires, je prends pour Sarah Connor. Je fais du business avec mes négros. Aujourd'hui, je grasse, demain, ça recommence. Allo, allo, allo, sur un coup de tête, je trouve la mélo. Bah oui, allo, c'est moi, allo, c'est simple. Insolent depuis que je traîne sous le préau. Me parle pas d'âge, non. Me parle pas d'âge, me parle pas d'âge, jamais. Me parle pas d'âge, non. Me parle pas d'âge, me parle pas d'âge. Ma voix c'est du roro, mon flow c'est le gros lot, tu connais le coro. Ma voix c'est du roro, mon flow c'est le gros lot, tu connais le coro. Ma chérie, je t'emmène là où tu pourras prendre tout ce qu'il te plaît. Laisse-les faire la guerre, nous on ira où il y aura la paix. T'es gêné pour un selfie, donc tu diras que c'est seulement pour ta fille. Les grands jalousent les petits parce qu'on fait le tour du monde, le tour du quartier. Me parle pas d'âge, non. Me parle pas d'âge, me parle pas d'âge, jamais. Me parle pas d'âge, non. Me parle pas d'âge, me parle pas d'âge. Ma voix c'est du roro, mon flow c'est le gros lot, tu connais le coro. Ma voix c'est du roro, mon flow c'est le gros lot, tu connais le coro. Ma chérie, je t'emmène là où tu pourras prendre tout ce qu'il te plaît. Laisse-les faire la guerre, nous on ira où il y aura la paix. T'es gêné pour un selfie, donc tu diras que c'est seulement pour ta fille. Les grands jalouses, les petits, parce qu'on fait le tour du monde, le tour du quartier. Me parle pas d'âge, non. Me parle pas d'âge, me parle pas d'âge, jamais. Me parle pas d'âge, non. Me parle pas d'âge, me parle pas d'âge. Ma voix c'est du roro, mon flow c'est le gros lot, tu connais le coro. Ma voix c'est du roro, mon flow c'est le gros lot, tu connais le coro. Sur ma droite, t'as DJ Babs. One shot, quelle audace. Dans le Caribbean, je suis en place. Mucho. Me parle pas d'âge. Me parle pas d'âge.